أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc la semaine dernière, on avait parlé de la bataille de Qaynuqa. C'est la bataille qui avait été organisée par Quraysh après qu'ils aient reçu une défaite à la bataille de Badr. Donc ils avaient mis en place une stratégie pour attaquer le prophète عليه الصلاة والسلام. Et à travers un courrier qu'ils avaient envoyé aux tribus juives qui étaient à Médine et particulièrement au Banu Qaynuqa. Donc c'était une menace contre eux s'ils ne tuaient pas le prophète alayhi salatu wassalam, s'ils ne se débarrassaient pas du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on avait parlé de cet événement-là et on avait parlé de leur défaite. Donc la défaite des juifs de la tribu de Banu Qaynuqa à Médine, et on avait dit de là le prophète alayhi salatu wassalam, donc après les avoir combattus, il les a chassés de Médine. Et il ne les a chassés de Médine qu'après que ces juifs-là, de Banu Qaynuqa, ont déclaré la guerre au prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci, a été fait de la part du prophète avec toute justice. Après cette défaite des juifs, donc, qui faisaient partie de cette tribu de Banu Qaynuqa, ils n'en sont pas restés là. C'est-à-dire, Quraysh, à la Mecque, ils n'en sont pas restés là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'attaquer directement et de tenter une attaque directe contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam une nouvelle fois. Et à leur tête, il y avait Abu Sufyan. Donc, ils ont décidé de prendre des hommes avec eux et d'aller attaquer le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que le compagnon directement à Médine. Et ils sont partis avec à peu près 3000 hommes. Ils étaient à peu près 3000 hommes. Et ils étaient partis ici déjà pour, entre guillemets, racheter leur réputation. Premièrement, racheter leur réputation, car ils ont reçu une défaite à Badr, ils ont reçu une deuxième défaite indirecte contre Banu Qaynuqa, et ils voulaient racheter leur réputation, et parmi les raisons aussi, il y avait aussi le fait qu'ils voulaient venger les pertes qu'ils avaient eues déjà. Et ils voulaient aussi assurer la sécurité quant à leur commerce. D'accord? Car c'était un endroit stratégique pour leur commerce. Donc ils ont voulu ici assurer ici la sécurité par rapport au commerce. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam fut informé de cette attaque venant de Quraysh et à leur tête Abu Sufyan, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu préparer les compagnons à se défendre. Et pour préparer les compagnons à se défendre, il les a bien sûr consultés. Il n'a pas pris des décisions seul. Encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a consulté as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et il leur a demandé, est-ce que le mieux est de les attendre à Médine, c'est-à-dire d'attendre qu'ils rentrent à Médine pour pouvoir se défendre et les attaquer, ou bien est-ce qu'on va directement les rencontrer? Et donc les compagnons ont commencé à diverger. Et la majorité a voulu ici aller directement à leur rencontre, alors que eux, ils s'approchaient de Médine et ils étaient dans les alentours de Uhud. Ils ont décidé d'aller directement les attaquer. Et ils ont dit, comment ya Rasulallah, à l'époque de l'Jahiliya, on les a pas laissés rentrer à Médine, alors maintenant, comment nous, on va les laisser entrer à Médine alors qu'on a avec nous la religion qui est l'islam? Donc on va directement les attaquer à Uhud. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a accepté. Donc on voit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a pas pris de décision seul. Il consultait et il tranchait. Donc il les a consultés et il les a, il a accepté entre guillemets leur choix. Ensuite le prophète, alayhi salatu wassalam, est rentré chez lui. Et ceci est tiré d'un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. Il est rentré chez lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a mis son armure, il a pris les armes pour aller combattre. Le prophète lui-même combattait à l'aide d'armes et avec des armes, et il utilisait une sorte d'armure. Donc ici, il était prêt pour le combat. Et ensuite, ils sont partis chez le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit à Rasulallah, après réflexion et après avoir réfléchi, après avoir médité, on a décidé de prendre ton avis. Et on s'est rendu compte que ton avis était le plus sage. C'est-à-dire d'attendre qu'ils rentrent à Médine pour pouvoir les attaquer. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne convient pas à un prophète de poser les armes après les avoir prises. Il ne convient pas à un prophète de poser les armes après les avoir prises. C'est trop tard. Moi, j'avais fait une proposition, je vous ai consulté, vous avez décidé, il faut assumer. Maintenant, j'ai pris les armes, un prophète, quand il prend les armes, il ne repose pas les armes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était pas un homme qui voulait répandre le sang. Et on voit tout à travers de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, que quand le prophète attaquait ou se défendait, c'était en toute justice. C'est soit parce qu'il y avait oppression, ou soit parce qu'il défendait ses biens, ou son honneur, ou les compagnons, etc. Lakin, le prophète n'a jamais voulu, yani, répandre le sang gratuitement, attaquer gratuitement, ou créer, yani, quelconque injustice. Abadan. Ça n'a jamais existé ici. Et tout ce qui est rapporté comme mensonge sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, est dû à l'ignorance des non-musulmans, et de la plupart des musulmans, malheureusement, car on ne connaît pas vraiment la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Le vendredi, c'était un jour qui était le vendredi du mois de Shawwal, et ceci, c'était la troisième année de quoi? De l'Hégire. Après Salat al-Asr. Ici, un an après la bataille de Badr, le prophète, alayhi salatu wassalam, a quitté Médine avec une armée de 1000 hommes. Au début, ils étaient 1000. Mais au moment du combat, ils n'étaient pas 1000, ils étaient plus que 700. Alors que eux, ils étaient 3000. Il y en a l'armée de Abu Sufyan. Ils étaient 3000. Et le prophète avec les compagnons, 1000. Ils sont partis. Ici, ils ont quitté Médine. Pour se rendre à proximité de Uhud. Uhud, quand on dit Jabal Uhud, les montagnes de Uhud ou la montagne de Uhud. Donc, c'est dans cet endroit qui est Uhud. Et donc, il est parti jusqu'à Uhud. Et Abdullah ibn Saloul, cet hypocrite, et qui était même, yani, à la tête des hypocrites, s'est retiré avec 300 hommes. Au moment où ils allaient vers Uhud, ici, cette personne, ibn Saloul, qui était à la tête des hypocrites, a réussi à détourner, à tourner la tête à 300 hommes. Donc ils se sont retrouvés à combien? 700. Alors qu'ils étaient 1000. Ils se sont retrouvés à 700. Donc il a semé le trouble entre eux. Et il disait, il n'y aura pas de bataille avec Quraysh. Et il disait que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pris les avis des compagnons. Et il avait rejeté, ou il n'avait même pas pris en compte son propre avis, qui était son avis à lui. Donc il a commencé à créer, ou à plutôt répandre le trouble, le désordre au sein des compagnons. Et ça, simplement pourquoi diviser? Simplement pour diviser et pour affaiblir les rangs des compagnons et des croyants ici qui étaient accompagnés ou qui accompagnaient le prophète alayhi salatu wassalam. Il a réussi à en détourner 300. Donc 300 se sont retirés avec ici cette personne qui est Abdullah, ici Ibn Ubay Ibn Saloul. Et donc ils sont repartis avec lui et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cet événement-là et il a démenti ce que avait dit cette personne qui était à la tête des hypocrites. Et il dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. Allah dit dans la sourate Ali Imran, et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent. Là, on parle de Uhud. Car la majeure, ou plutôt, il y a à peu près une soixantaine de versets dans Surat Ali Imran, qui parlent de cet événement-là, qui est la bataille de Uhud, et revenez à cette Surat dans le Coran al-Karim, la famille d'Imran. Et il dit Allah Azza wa Jal, Surat Ali Imran, verset 166, et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal, et afin qu'il distingue les croyants. Ça, c'est une réponse contre Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et il dit Allah Azza wa Jal, et qu'il distingue les hypocrites, on avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ou repousser l'ennemi. D'accord? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils dirent, c'est-à-dire les hypocrites, bien sûr, que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y avait une guerre. Et c'est ce qu'a dit cet hypocrite-là qui était à leur tête. Ensuite, Allah Azza wa Jal décrit cette situation, il dit, ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Donc on voit que ces personnes ont trouvé des prétextes pour fuir le combat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette épreuve, cet ordre de combattre, Allah azza wa jal a fait la distinction, at-tamyiz, la distinction entre les croyants et les hypocrites. Entre les croyants et les hypocrites. Car ces hypocrites-là disaient avec la bouche ce qu'il n'y avait pas dans leur cœur. Mais ceci peut être caché pendant des années. Pendant des années et des années. Et c'est bien pour ça, et c'est une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla met des épreuves, comme l'épreuve qu'ont subi les compagnons, quand ils ont dû combattre en délaissant leurs biens, leurs enfants, leur épouse, pour aller combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est une épreuve, Allah azza wa jalla les éprouve. Allah azza wa jalla descend certaines épreuves pour distinguer. Et là, au moment de l'épreuve, l'hypocrite ne pourra pas persister dans son hypocrisie. La preuve que parmi les bienfaits des épreuves, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet aux croyants de distinguer entre les croyants et les hypocrites, et permet même aux croyants de se rendre compte de son degré de foi et de sincérité. Donc il y a un grand bien dans les épreuves, et parmi les plus grands biens, c'est ce que je viens de citer là. Et donc Allah azza wa jalla, à travers cette épreuve, à travers le combat, il a distingué clairement entre les hypocrites et les croyants. Donc les hypocrites, ici, se sont détournés, et à leur tête, la personne qui a détourné le maximum de personnes qu'il pouvait, d'accord, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, donc il a détourné 300 personnes avec eux. Les hypocrites, ils ont été montrés clairement dans cet événement, à leur tête bien sûr, Abdullah. Donc après leur retrait, les compagnons ont eu deux avis sur leur sort. Certains disaient il faut les combattre. D'autres ils disaient il faut les abandonner, d'autres il faut les tuer, etc. Et rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il raconte, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam partit avec ses compagnons le jour de Uhud, et que certains l'ont abandonné, les gens ont divergé. Certains ont dit on les tue, d'autres ils ont dit non, on les abandonne, on les laisse. Donc ici c'est dans As-Sahihayn. Ils ont divergé, comme il dit Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah azza wa jalla a dit dans le Coran al-Karim concernant cet événement-là, il dit فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Allah azza wa jalla dit avec une traduction approximative, qu'avez-vous à vous diviser en deux fractions ou deux factions au sujet des hypocrites? Allah, il parle toujours dans, ici concernant cet événement, et ça c'est dans surat An-Nisa, les femmes. Alors qu'Allah azza wa jalla les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ce qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le guider ou pour le ramener. Donc Allah azza wa jalla parle de ces hypocrites, et qui étaient bien sûr plus proches de la mécréance que de quoi? Que de la croyance et que de l'iman. Et rapporté par Al-Bukhari wa Muslim dans le Sahihain, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu arda, il dit les deux versets suivants que je vais vous citer, les deux versets suivants sont descendus sur nous, les Banu Salama et les Banu Haritha. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, et quand de vos groupes ou quand deux de vos groupes songeaient réfléchir, alors qu'Allah Azza wa Jalla est leur allié à tous deux. Donc ici dans As-Sahihain, Jabir radiyallahu ta'ala anhu arda, il dit les versets suivants sont descendus sur nous, ces deux tribus qu'il y avait, c'est les Banu Salama et les Banu Haritha, qui étaient dans l'hésitation. Mais après, alhamdulillah, ils ont été affermis par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla dit, et quand deux de vos groupes, c'est-à-dire ces deux tribus-là, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir. Donc on voit que quoi? L'impact de cet hypocrite a touché une grande partie des compagnons. Et il dit Allah Azza wa Jal, quand deux de vos groupes songèrent à réfléchir, alors qu'Allah Azza wa Jal est leur allié à tous deux. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, il est leur allié à tous deux, c'est qu'ils n'ont pas fléchi, alhamdulillah. Donc on voit un peu l'impact que peut avoir une personne néfaste, et le désordre que peut répandre ne serait-ce qu'une personne. Sur 1300, vous imaginez, sur 1300 se sont détournés, alors qu'ils ont pris connaissance de ce qui s'était passé à la bataille de Badr. Alors qu'ils ont pris connaissance de ce qui s'était passé à la bataille de, avec Banu Qaynuqa. Ensuite, on rajoute qu'ils étaient en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam, qui lui-même est sorti pour combattre, et ils ont été détournés simplement par un homme, wal'iyadhu billah, et ça, on voit l'effet néfaste que peut avoir un hypocrite. L'effet néfaste que peut avoir un hypocrite, parce que l'hypocrite tu ne sais pas clairement que c'est ton ennemi. Donc il est dans tes rangs, il peut faire des dégâts. Et Allah Azza wa Jal parle des hypocrites, et je parle de la grande hypocrisie bien sûr, dans le Coran Al-Karim, et il montre la gravité d'être un hypocrite, c'est-à-dire le fait de montrer ouvertement ton appartenance à l'islam, alors que intérieurement, tu contredis ton appartenance à l'islam. D'accord ? Tu dis avec la bouche ce que ton cœur, yani, ne contient pas. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Pas en enfer, dans le degré le plus bas de l'enfer, car un hypocrite peut faire des dégâts, wal'iyadhu billah, immenses. Et rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam, donc, il se retrouve à 700. Contre eux, contre combien? 3000. Donc, dans al-Sahih al-Bukhari wa Muslim, il est rapporté que il y avait une personne qui s'appelait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc, Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, qui était parti avec le prophète alayhi salatu wa salam et les compagnons pour combattre ici le groupe de Quraysh, à leur tête Abu Sufyan, ici à Uhud. Il était parti avec eux, alors qu'il n'avait que 14 ans. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari wa Muslim. Et quand ils sont arrivés à Uhud, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on voit déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, il filtre. Allah azza wa jalla, il filtre. Et on voit à travers la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, principalement à travers les expéditions et les guerres et les combats, que le nombre n'a rien à voir avec la victoire. Le nombre nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est la qualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il filtre au fur et à mesure. Il filtre par le biais de quoi? Ou à travers plutôt quoi? Les épreuves. Donc on voit que c'est un bien, les épreuves. Et c'est parmi les plus grands biens ici que renferme al-ibtila, l'épreuve. Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même s'est arrêté à Uhud. Faire un peu entre guillemets l'inventaire si on veut. D'accord? Donc ici, voir qui était dans les rangs des croyants, faire un peu, yani, le bilan, d'accord? Préparer les compagnons. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam a décidé de sortir des rangs toute personne qui était trop jeune, et parmi eux, bien sûr, les pubères. D'accord? Donc, les personnes qui n'avaient pas encore atteint la puberté. Donc ici, c'est-à-dire, on sait très bien que les signes de la puberté, d'accord, on les reconnaît soit par les poils, d'accord, qui apparaissent sous les aisselles ou dans le pubis, ou bien par, yani, al-mani, ce qu'on appelle le sperme, d'accord, ou bien par, à l'âge de 15 ans, d'accord, à défaut, à l'âge de 15 ans. Et ici, pour les femmes, on rajoute le critère qui est les menstrues. Donc ici, on voit que c'était des gens jeunes qui étaient présents, qui avaient accompagné le prophète alayhi salatu wa salam pour aller combattre. Car le prophète alayhi salatu wa salam arrivait à Uhud, quand il a fait le bilan, il a dit, il a ordonné d'ordonner aux gens qui étaient trop jeunes, aux jeunes qui étaient trop jeunes, qui n'avaient pas atteint l'âge de la puberté, de sortir des rangs. Et parmi eux, il y avait Abdullah ibn Umar qui dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari au Muslim, je n'avais que 14 ans. Et le prophète alayhi salatu wa salam m'a interdit de combattre avec lui. 14 ans, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, est sorti avec le prophète alayhi salatu wa salam et a été jusqu'à Uhud et est resté dans les rangs du prophète jusqu'à Uhud, alors qu'un grand nombre qui était le nombre de 300 personnes se sont détournés. Un jeune de 14 ans est resté ferme et accompagné le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est rapporté par le Bukhari et en Muslim. Et ça, c'est une leçon pour qui? Pas que pour les jeunes. Pour les adultes avant tout, avant les jeunes. Les adultes qui quoi? Qui passent leur temps devant des jeux vidéo, qui passent leur temps devant des matchs de foot, qui passent leur temps à ici utiliser des moyens de distraction qui sont utilisés par des jeunes qui ont 12 ans. Ça, c'est une leçon pour nous et pour eux. Alors que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, il avait 14 ans et c'est pas lui qui a rebroussé chemin, c'est le prophète qui lui dit, tu es trop jeune, ne participe pas. Et il dit Abdullah ibn Umar à la bataille d'Al-Khandaq, et on verra, il dit, le prophète alayhi salatu wa salam a accepté que je combatte avec eux, et là j'avais 15 ans. 15 ans. Et il a combattu avec le prophète alayhi salatu wa salam. 15 ans. Imaginez-vous 15 ans, et regardez un jeune aujourd'hui de 15 ans. Et là on dit pas, il faut prendre les armes, il faut aller combattre. On dit à un jeune de 15 ans ou de 16 ans, même où la personne qui a 25 ans fait un effort pour participer quelquefois à des cours et délaisser un match de foot ou délaisser un jeu vidéo ou essaye de faire ta prière à l'heure à la mosquée au lieu de perdre ton temps et on lui a dit, on croyait qu'on lui a dit soulève des montagnes. Ça c'est des leçons. Abdullah ibn Umar, 14 ans, il lui a interdit le combat. 15 ans, il a combattu à Al-Khandaq avec le prophète alayhi salatu wassalam. Min al-mu'minin al-rijal, parmi les croyants, il y a des hommes radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc après avoir ordonné de sortir les plus jeunes des rangs, il a continué alors qu'ils étaient 700. Ils sont arrivés à Uhud où il y a des chaînes de montagnes. Donc pour ceux qui ont déjà visité Uhud, et il a sélectionné ici les meilleurs des archers. Ils étaient à peu près une cinquantaine. Et ça c'était la bataille de Uhud. Il a sélectionné les meilleurs archers. Et il leur a dit, vous allez rester dans une montagne. Ici, la montagne qui leur donnait de dos, si on veut. D'accord? Qui était derrière eux. Eux, ils se sont mis en position. Derrière eux, il y avait une montagne. Une petite montagne. En face d'eux, il y avait la montagne de Uhud. Et il y avait les associateurs qui allaient les combattre en face d'eux. Donc eux, le prophète alayhi salatu wasalam a mis ces archers-là, qui étaient une cinquantaine, et il les a mis dans cette montagne qui était dos aux compagnons et au prophète alayhi salatu wasalam. Pour ici, préserver leur protection et assurer plutôt leur protection. Donc 50 archers et c'était les meilleurs des archers. Et il a mis comme responsable avec eux, Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu wa arda, qui a été tué pendant cette bataille. Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu wa arda. Donc il les a mis là. Et il leur a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith, il y a une partie de ce récit qui est rapporté par Al-Bukhari, et autrement il est rapporté par Al-Hakim avec une bonne chaîne de transmission, et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam les a placés ici dans cette montagne, et il leur a dit, gardez vos arrières, ou plutôt nos arrières, si vous voyez qu'on est tué, ne venez pas à notre secours. Si vous voyez qu'on est tué, ne venez pas à notre secours. Et si vous voyez qu'on a la victoire, qu'on a le butin, qu'on saisit le butin, ne venez pas participer avec nous ici quant à la prise de ce butin. C'est-à-dire, entre guillemets, pour le meilleur ou pour le pire, vous restez dans la montagne. Pour le meilleur et pour le pire, vous restez dans la montagne. Certains peut-être vont pas comprendre. Et ils vont dire, on comprend. Pourquoi rester dans la montagne, assurer les arrières, si le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons sont battus? Mais pourquoi on doit continuer à assurer les arrières alors qu'ils ont la victoire? Si le prophète alayhi salatu wassalam te l'a dit, à toi d'exécuter l'ordre. À toi d'exécuter l'ordre. D'accord? Même au jour d'aujourd'hui, quand quelquefois il y a des choses qui nous paraissent, mais qui ne sont pas, qui nous paraissent ambiguës, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, dues à ton manque de science, et qui nous paraissent, car rien n'est ambigu, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, mais qui à nous paraissent, dues à notre manque de science, ambiguës, et Allah t'ordonne une chose, fais-le. Même si tu ne comprends pas vraiment pourquoi, exécute-le. Et si le prophète t'ordonne une chose, fais-le. Sinon, tu cours à ta perte, comme on va le voir dans ce récit qui est une leçon pour l'ensemble de la communauté jusqu'au jour dernier, incha'Allah ta'ala. Donc ici le prophète leur a dit de rester, pour le meilleur ou pour le pire. Et si le prophète leur a dit de rester, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam était un chef de guerre aussi. D'accord? Il n'était pas qu'un chef de guerre, mais c'était un chef de guerre. Et il savait pourquoi il a dit ça. Et on va voir que ici le prophète alayhi salatu wassalam était une personne qui avait beaucoup d'intelligence et beaucoup de stratégie, même dans la guerre. Le prophète leur a dit de rester. Khalas. Ils ont combattu, les combats ont fait rage, il y a eu des blessés, et au moment où, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal a donné, à ce moment précis, commencé à donner la victoire aux compagnons. Ils étaient dans le combat, et c'était des combats qui étaient très durs. Les archers étaient derrière lui. Parmi les meilleurs archers, une cinquantaine. À leur tête, il y avait Abdullah ibn Jubayr. Le prophète alayhi salatu wassalam combattait et ils avaient pris le dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À leur tête, il y avait Abu Sufyan. Ils ont pris la fuite. Ils se sont détournés du combat et ils ont pris la fuite. Et les compagnons, alhamdoulilah, ils étaient heureux, ils étaient fiers et ils ont commencé à amasser le butin. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les archers. Quand les archers, ils ont vu cette situation, ils les ont vus prendre à la fuite. Ils se sont dit, c'est bon, on a gagné. Ils se sentaient en sécurité. Ils les ont vus partir, ça, ils ont pris la fuite. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? C'est compréhensible ou pas? D'aller les rejoindre, les rangs du prophète. Ça, et les autres, ils prennent la fuite, ils partent. À première vue, oui, si on est dans, imaginez-vous, parce qu'il faut pas, on n'est pas là pour critiquer les sahaba, radiyallahu anhu, ardahum, car ce sont les meilleurs des créatures après les prophètes et les envoyés. Ce sont les meilleurs des créatures après les prophètes et les envoyés. Et ici, les compagnons ne sont pas, préservés des péchés. D'accord? C'est-à-dire que les compagnons ont fait des erreurs. Les compagnons ont fait des péchés. Et ça, c'est clair. Et c'est connu à travers la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ici, les combats faisaient rage. Ils étaient à peu près 3000. Ils avaient à peu près 200 chevaux. Et il y avait, à l'aile droite de l'armée, Khalid ibn al-Walid. Radiyallahu anhu arda, car après, ou au moment de cette bataille, il n'était pas encore musulman. Khalid ibn al-Walid. Et ici, il y avait une autre personne qui était à gauche, qui était Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu aussi, qui n'était pas musulman à cette époque. Donc ils étaient à droite et à gauche, et ils accompagnaient l'armée de Abu Sufyan. Donc les combats faisaient rage, et ici c'était le mois de Shawwal, toujours c'était un samedi. Clair? Donc ils combattaient, et quand ils ont pris le butin, les archers sont descendus de la montagne, ils sont partis rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons. Il y avait à peu près 10 archers qui sont restés, et il y avait Abdullah ibn Jubayr qui était le commandant des archers. Et il est resté et il les appelait. Et il leur a ordonné de revenir. Et eux, ils n'ont pas écouté. Et ils ont continué et ils ont rejoint le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand Khalid ibn al-Walid a vu que les archers sont descendus et ils ont quitté leur poste, c'était quelqu'un de très ingénieux, Khalid ibn al-Walid, et c'est lui qui, comme on le verra au fur et à mesure, incha'Allah ta'ala, ou plus loin, ici, c'est lui qui a été le chef de l'armée musulmane à un certain moment, et il a gagné des dizaines et des dizaines d'expéditions. D'accord? Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi, surtout, après, par la cause de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu wa arda, qui était un chef de guerre qui excellait. Et donc, ici, Khalid ibn al-Walid, il a capté. Alors qu'il prenait tous la fuite, il a vu les archers descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour. Il a fait le tour pour encercler, entre guillemets, le prophète et les compagnons. Et voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur avait dit de rester même s'il gagnait. Pour assurer les arrières jusqu'au bout. Parce qu'il savait qui avait en face. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il cherchait toujours à savoir qui était en face de lui. Connaître l'ennemi pour mieux le combattre. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il savait qu'il y avait des personnes, des hommes forts parmi eux. Il savait qu'il y avait Khalid ibn al-Walid, il savait qu'il y avait Ikrima, il savait qu'il y avait Abu Sufyan, il savait qu'il y avait des chefs de guerre, ils étaient 3000, il y avait 200 chevaux. Il fallait vraiment se préparer comme il fallait. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Khalid ibn al-Walid? Il a fait tout le tour, il est monté dans la montagne, il a tué Abdullah ibn Jubayr, il a tué les dix compagnons qui faisaient partie des meilleurs archers. Mais ils se sont retrouvés à 10. Et il est rentré dans le combat, ici, Khalid ibn al-Walid, alors que les compagnons étaient en train d'amasser le butin, et ils se sont retournés, ils ont vu quoi? Khalid ibn al-Walid arrivait vers eux, mais en face d'eux, il y avait qui? Bien sûr qu'il y avait, des Quraysh qui prenaient la fuite. Mais quand Quraysh a vu cette technique empruntée, ou utilisée par Khalid ibn al-Walid, ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que là, les compagnons, le prophète, alayhi salatu wassalam, étaient pris des deux côtés, entre guillemets, en sandwich. Des deux côtés, ils étaient pris. Donc, de derrière et de devant. Et là, la situation, elle s'est complètement retournée. Alors qu'ils étaient quoi? Alors que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient en train de quoi? De concrétiser leur victoire. Ils étaient en train de prendre le butin. Et les compagnons qui ont désobéi au prophète, alayhi salatu wassalam, ont causé la défaite pendant cette bataille qui est la bataille de Uhud. Et cet événement, ici, il est rapporté dans une partie d'un hadith de Bukhari, dans un hadith rapporté par Al-Hakim, et les chaînes de transmission sont soit bonnes ou soit authentiques. Et ça, c'est une leçon pour l'ensemble de la communauté. Ils ont perdu, après ça, à peu près 70 morts, les musulmans. Dans les rangs des musulmans, il y a eu à peu près 70 qui sont morts. Et parmi eux, des grands hommes. Abdullah ibn Jubayr. Il y avait aussi, parmi eux, Hamza, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu des personnes qui sont mortes. Et bien plus que cela, il y a eu la meilleure des créatures qui a été blessée, couverte de sang, et qui a perdu une dent ou qui a cassé, ou on lui a cassé une dent. Le prophète alayhi salatu wassalam. À cause de quoi? La désobéissance. C'est pas 10 désobéissances. Une désobéissance. Une désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Une désobéissance. Et ça, ça nous rappelle que quoi? Que la victoire viendra avec quoi? Avec la patience, comme disent les savants, et d'après les textes tirés du Coran et de la Sunna. La patience, as-sabr. Avec quoi? L'union. Rester unis et ne pas séparer ou s'éloigner du groupe, comme ont fait les hypocrites. Rester unis, d'accord? Et la troisième condition, si on veut la victoire, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Si tu réunis ces trois conditions-là, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tu auras la victoire. Dans toute situation. Dans toute situation. Tu patientes, tu restes uni, yadullahi ma'al jama'a, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans un hadith authentique, al-jama'atu rahma wal-furqatu azab, comme qala alayhi salatu wa salam fi sahih dans un hadith authentique aussi, la main d'Allah Azza wa Jalla est avec le groupe, et dans une autre version, la main d'Allah Azza wa Jalla est sur le groupe, et dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, al-jama'atu rahma, le groupe est une miséricorde, al-furqatu azab, la division est châtiment. La division apporte châtiment. Ici, si tu restes uni et si tu te conformes aux ordres divins et prophétiques, sache que la victoire viendra. As-sabr, c'est obligé. Allah Azza wa Jalla, ou plutôt Afwan, le prophète alayhi salatu wa sallam, dit dans un hadith authentique, wa'lam anna as-sabra, ou anna an-nasra ma'a as-sabr. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Et sache que le secours vient avec la patience. Le secours vient avec la patience. Et si tu veux la perte, ta perte, la perte de la communauté, exécute trois choses. Précipite-toi, éloigne-toi du groupe et désobéis à Allah et à son messager. Tout simplement. Trois choses à retenir. L'obéissance à Allah et à son messager, la patience et l'union. Tu veux courir à ta perte, retiens trois choses. Désobéis à Allah et à son messager, éloigne-toi du groupe et précipite-toi dans les affaires. Ça, c'est trois choses et trois fondements à retenir et graver ici dans nos cerveaux. Donc ici, il y a eu des pertes parmi les musulmans. Et ici, il y a eu Mus'ab ibn Umayr aussi qui est mort parmi les 70 musulmans qui sont décédés. Et ils ont blessé le prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez ici ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Donc le prophète a eu mal. Le prophète c'est un être humain. D'accord? C'est la meilleure des créatures, c'est un prophète et messager, mais c'est un être humain, il a eu mal. Et on voit, quand on lit le Coran al-Karim, plusieurs fois des versets coraniques qui ont remonté le moral au prophète alayhi salatu wassalam, qui ont rappelé au prophète alayhi salatu wassalam, ici, des récits qui concernaient Moussa alayhi salam, pour rappeler au prophète que tu as des épreuves, on te fait mal, on te touche dans ton honneur, on te fait mal en te critiquant, en te traitant de menteur, etc., ou plutôt de sorcier. Lakin, avant toi, il y a des gens qui ont patienté. Qui ont patienté comme toi. Tu as patienté, tu dois patienter. Moussa alayhi salam. On voit qu'à travers le Coran, le Karim et les versets coraniques, Allah Azza wa Jal remonte le moral au prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez ici, dans cet événement, le prophète a eu mal aussi. Et regardez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète a reçu ici ses blessures, il dit comment un peuple qui a porté préjudice au prophète alayhi salatu wassalam, qui a cassé les dents à un prophète qui a versé le sang ici, donc il parle de sa propre personne, yani versé le sang d'un prophète, comment des gens qui attaquent un prophète peuvent-ils réussir? Donc il parle de qui? De Quraysh. Le prophète il a eu mal, il dit comment ceux-là qui m'ont fait du mal comme ça, ils font du mal à un prophète, il parle pas de lui que en tant qu'être humain, mais en tant que prophète, en tant que messager, comment ce peuple peuvent-ils réussir? Est-ce que c'est une vérité ou pas? Et est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quelqu'un, un moment ou un instant, il va se dire, il y a quelque chose de pas normal ou une injustice dans ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Il n'y a pas d'injustice. D'accord, il n'y a pas d'injustice. Ou est-ce qu'on va dire, ou on va penser une seule seconde quand on lit ce que le prophète, ou on écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, se dire, est-ce qu'on va un instant, on va se dire, oui mais quand même, il a été un peu fort concernant ce groupe. Il a été un peu dur dans ses paroles concernant ce groupe. Peut-être qu'Allah va les guider, peut-être qu'ils vont réussir. Personne ne pourra poser ici ou alors dire ces paroles-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout le monde dira, il mérite ça. Et le prophète, il a dit quoi? Comment un peuple comme ça pourra-t-il réussir? Simplement. Et ça, c'est une grande morale à prendre. Et wallahi al-ali wal-azim, c'est une morale que je donne à moi le premier. Regardez, le prophète, il a simplement dit ça. Comment ce peuple pourra-t-il réussir? Allah Azza wa Jal, après cette parole, a révélé un verset coranique. Au sujet de ces paroles apportées par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Regardez Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le Coran al-Karim, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. Allah, il parle au prophète. Après le prophète, il dit comment ce peuple pourra-t-il réussir? لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Alors que c'est des associateurs, c'est des mécréants. Ils ont attaqué le prophète, ils ont blessé le prophète, ils ont tué des compagnons qui font partie des meilleures créatures sur la surface de la terre. Ils persistent dans leur association et dans leur mécréance. Et Allah Azza wa Jal, il répond au prophète après qu'il dit comment ce peuple pourra-t-il réussir? Tout simplement, il dit dans le Coran al-Karim, dans surat Ali Imran, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. D'accord? Parce que le fait que le prophète dise comment ce peuple pourra-t-il réussir? C'est dans le futur. C'est clair. C'est dans le futur. D'accord? Donc ça concerne qui? Le prophète ou Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal. Car ça, on rentre dans quoi? Dans des suppositions concernant le futur. C'est comme si tu disais comment telle personne peut être guidée. Mais est-ce que c'est toi qui guides ou c'est Allah azza wa jal qui guide? Même si la personne en face de toi est un associateur, est une personne qui fait du mal à la religion, que dire d'un musulman qui dit la ilaha illallah? Bien que ce musulman soit un grand égaré, il t'opprime, il maintient son oppression contre toi, il te fait du mal, il fait du mal aux musulmans, il fait du mal à la communauté. Toi, tu juges son action au moment présent. Clair? Car nous, on ne juge pas les intentions, on juge l'action. Mais le fait de dire que cette personne ne réussira jamais, ça appartient à toi ou à Allah subhanahu wa ta'ala? À Allah azza wa jal. Clair? Si quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'opprime et persiste dans cette oppression, tu as droit d'invoquer Allah azza wa jal contre cette personne. S'il ne veut pas cesser. Quelqu'un qui fait du mal à la religion, tu as droit d'invoquer Allah azza wa jal contre cette personne et même citer son nom. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, ce qui est prioritaire, c'est d'invoquer la guidance et qu'Allah Azza wa Jal guide les personnes même qui nous font du mal et ceci relève de la bienfaisance. Lakin, quelqu'un qui persiste et qui te fait du mal et tu invoques contre cette personne-là, tu as droit, c'est ton droit. C'est ton droit. Lakin, le fait de dire que cette personne est vouée en enfer, cette personne est une personne qui ne réussira jamais dans sa vie et que cette personne ne sera jamais guidée et que cette personne... Moi, je lui demanderai des comptes au jour de la résurrection, car c'est un égaré, car il m'a fait tel mal, car il... Ceci, ya akhi al-karim, ça t'appartient ni à moi, ni à toi, ni au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est hukmullah, c'est le jugement d'Allah, azza wa jal. Concernant le jugement, telle personne est au paradis, telle personne est en enfer, ça t'appartient pas à toi, ça appartient à Allah, azza wa jal. Telle personne va être guidée, telle personne va être égarée, ça t'appartient pas à toi, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala ce jugement-là. Amma de dire de façon générale, d'après les preuves tirées du Coran et de la Sunna, cette personne mérite le châtiment, ou cette personne, d'après ce qu'elle fait, est une personne des gens de l'enfer, ou plutôt les personnes qui font ce péché-là, font partie des gens de l'enfer. De façon générale, il n'y a pas de mal. Mais de citer le nom de cette personne et de dire directement, cette personne est en enfer, cette personne ne sera pas guidée, cette personne restera toujours dans son égarement, tu ne peux pas. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim au prophète alayhi salatu wa salam, après qu'il ait dit simplement, alayhi salatu wa salam, comment un peuple qui a fait ce mal, ceci et cela, pourront-ils réussir? Allah Azza wa Jalla lui dit, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, Allah peut accepter leur repentir, ou Allah peut les châtier, car ils sont injustes. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Car ils sont injustes. Allah, il le dit clairement, c'est des injustes. C'est des injustes. Et al-zulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Et l'injustice est parmi les plus graves péchés. Et c'est parmi les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu seras châtié ici-bas avant l'au-delà. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique, Allah Azza wa Jal, avec une traduction approximative, il tend la perche ou alors il aide, il facilite à l'injuste quand il fait une injustice. Mais quand il le châtie, il ne le rate pas. Quand il le châtie, il ne le rate pas. C'est-à-dire que quand l'injuste persiste dans son injustice, Allah Azza wa Jal, il le facilite, il le laisse. Il le laisse dans son injustice. Et tu verras quelquefois l'injuste, il ne cesse de faire des injustices et de créer des injustices, mais pourtant rien ne lui arrive. Mais Allah Azza wa Jal, quand il le châtie, il ne le rate pas. Quand il le frappe, il ne le rate pas. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui dit dans le hadith al-sahih. Donc ici, l'injustice est quelque chose de grave. Mais avec ça, car le prophète a dit, comment un peuple pourra-t-il réussir? Donc ils ne réussiront jamais. Allah Azza wa Jal, il dit au prophète alayhi salatu wa salam, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Allah peut accepter leur repentir ou Allah peut les châtier car ils sont injustes. Donc ça, c'est une leçon à nous de ne pas se précipiter quand une personne persiste dans l'injustice. Donc soit tu invoques contre lui, s'il persiste contre toi, pour son bien, pour qu'Allah le guide, ou pour qu'Allah l'éloigne de toi, ou pour qu'Allah Azza wa Jalla lui donne ce qu'il mérite, pas de problème. Lakin de dire cette personne sera parmi les gens de l'enfer, ou il ne sera jamais guidé à Badan. D'accord? En précisant, yani, le nom de cette personne. Mais de dire, Allah donne-lui ce qu'il mérite, Allah Azza wa Jalla, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah Azza wa Jalla rende ses comptes, ou les comptes qu'il mérite ici-bas, ici, il n'y a pas de problème, c'est autorisé selon ici les preuves tirées de la sunna. Ensuite, pendant cette même guerre, la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam, ceci est connu par la majorité, hein, il y a une rumeur qui a couru à travers les rangs des compagnons et qui disait que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était décédé. Alors qu'il était blessé. Il était blessé simplement, mais ils ont dit qu'il était mort. Et vous savez que quand vous avez une personne, yani une perte d'une personne de science, ne serait-ce que de science, un savant dans la communauté, on sent la perte de ce savant dans la communauté. Quand un grand savant meurt dans une communauté toute entière, on sent sa perte. Quand on voit qu'une personne de science décède dans une ville, on sent encore plus sa perte, parce qu'il était proche. Alors imaginez-vous la perte du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au sein, ou plutôt pendant cette guerre-là, alors que les compagnons comptaient tous, bien sûr, sur Allah, mais avaient tous et comptaient tous ensuite sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient le soutien du prophète alayhi salatu wassalam. Quand ils ont entendu que le prophète était mort, ça a créé le bouleversement dans les rangs. Et ça, c'est compréhensible. Ça a créé le bouleversement et le désordre dans les rangs. Alors, il y a des personnes qui ont fait quoi ? Des personnes qui sont parties. Ils ont dit le prophète alayhi salam est mort. Donc ici, ils sont partis. Ils ont quitté le combat. D'autres se sont réfugiés dans les montagnes. Al-Muhim, le principal, le plus important, ça a créé le désordre dans les rangs. Et Allah Azza wa Jal, il a parlé de cet événement dans le Coran Al-Karim. Et là, je cite un verset coranique qui ne parle pas que sur cet événement-là, ou principalement sur cet événement, mais de façon générale. Il rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam est un prophète, est un messager, et qu'avant lui il y a eu des prophètes et des messagers. Et que le prophète alayhi salatu wassalam est un homme. Et que la guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guide, c'est Allah. Celui qui égare, c'est Allah. Celui qui secourt, c'est Allah. Celui qui enlève le mal, c'est Allah azza wa jal. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Et si Allah fait qu'il y ait un mal qui t'atteint, personne ne peut ôter ce mal si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour nous rappeler, et rappeler aux compagnons avant tout, et ceci concerne même la mort du prophète alayhi salatu wassalam, que même si le prophète alayhi salatu wassalam est mort, الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, l'appel à Allah azza wa jal continuera. Que même si le prophète alayhi salatu wassalam meurt ou est mort, ici, la guidance continuera, et le secours continuera, et la religion continuera à se propager. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَإِمْ مَاتْ أَوْ قُتِلْ إِنْ قَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Allah dit, Muhammad alayhi salatu wassalam n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc le prophète alayhi salatu wassalam, s'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Donc Allah il parle aux compagnons avant tout. S'il mourait le prophète, est-ce que vous allez changer de comportement? Est-ce que vous allez modifier ici votre façon de voir les choses concernant votre application religieuse? Est-ce que vous allez changer votre comportement? Et Allah Azza wa Jalla dit, quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Donc Allah, il te rappelle qu'au-dessus du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète est mort, le prophète était un être humain. Et on ne rentre pas dans l'excès quant à quoi l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam jusqu'à adorer le prophète alayhi salatu wa sallam comme on fait les chrétiens avec Isa alayhi salam. On aime le prophète alayhi salatu wa sallam. Comme le prophète l'a dit dans Sahih al-Bukhari, on ne sera pas véritable croyant tant qu'on n'aimera pas le prophète alayhi salatu wa sallam plus que quoi? Plus que nos biens, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que l'ensemble des gens et plus que nos personnes. C'est ça le vrai amour du prophète alayhi salatu wa sallam. Lakin, on n'adore pas le prophète alayhi salatu wa sallam. Et si le prophète alayhi salatu wa sallam meurt, Allah nous rappelle que la religion va continuer à être propagée. Que dire si un savant meurt? Ou si une personne qui a de l'influence ici, quant à la propagation de la religion, meurt? Est-ce qu'on va baisser les bras et on va dire on arrête? L'islam ne repose pas sur une personne. L'islam ne repose pas sur un prophète. L'islam ne repose pas sur 10 prophètes. L'islam, cette religion, elle est apportée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mis des causes. Des causes qui font que cette religion se propage. Et les principales causes sont les prophètes et les messagers. Ensuite, il y a les gens de science, les savants. Clair? Lakin, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Clair? Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, et il parle de cette situation à Uhud, et il dit, ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable. Ils ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, on parle de Uhud ici. Il dit, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes Allah leur a pardonné, car Allah est vraiment pardonneur et indulgent. Ils ont été pardonnés. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'être avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et de combattre avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et de patienter avec les épreuves qu'a eu le prophète et les compagnons. Et de combattre alors qu'ils étaient que 700 et eux ils étaient 3000 en face d'eux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça reste des compagnons et les meilleurs des créatures après les prophètes et messagers. Allah Azza wa Jalla rappelle qu'il leur a pardonné. Claire? Nous, on n'a pas le droit de critiquer n'importe quel compagnon. On n'a pas le droit de critiquer encore moins le prophète alayhi salatu wassalam. Ou de dire que le prophète a été un perdant. Le prophète, il n'a jamais perdu. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, même s'ils ont fait des erreurs, ils prenaient des leçons de ces erreurs. Ils prenaient al-ibar, des leçons, al-idhat, des exhortations de ces erreurs. Quand il y avait une perte, par exemple, quand il y avait une défaite, il prenait une leçon de cette défaite. Et ici, il méditait sur cette leçon, sur cette défaite-là, pour ne plus recommencer. Et c'est comme ça que doit réagir le croyant au jour d'aujourd'hui. Même s'il y a une défaite, même s'il y a un échec dans ta vie, à plus petite échelle, même s'il y a un échec dans ta vie, faut pas voir que le mal dans cet échec. Derrière tout mal, pour le croyant, il y a un bien. Derrière tout mal pour le croyant, il y a un bien. Prends une leçon de cet échec. Prends-en de l'expérience. Sache que si tu as été patient, alhamdulillah, par cette patience, bi'idnillah, Allah Azza wa Jalla t'a purifié de certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu t'éprouver pour voir si tu étais véridique et menteur. Allah t'a permis de voir ton degré de sincérité. Il y a un bien dans l'épreuve. Mais prends des leçons des épreuves pour pas refaire la même erreur. Pour pas refaire la même erreur. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui manque au jour d'aujourd'hui dans les rangs, ici, chez les musulmans. Donc, ici, ils prenaient des leçons, alhamdulillah. Et ça, c'est comme ça. Ou plutôt, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est une loi établie de la part d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, sunnatullah. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut que ça se passe comme ça. Qu'il y ait des défaites, qu'il y ait des victoires. Qu'il y ait des jours de bonheur, des jours de malheur. De façon générale, à grande échelle ou à petite échelle, dans ta vie ou dans la vie de la communauté, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à nos jours, bien plus que cela, depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait l'alternance. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله يدي dans le Coran al-Karim, il montre que quoi? Allah Azza wa Jal fait qu'il y a des jours bons et des jours mauvais. Entre guillemets, la roue tourne. C'est comme ça. Sunnatullah, décret d'Allah Azza wa Jal. Il y aura des défaites, il y aura des victoires. Il y aura des moments de joie, il y aura des moments de faiblesse. Ou plutôt des moments d'attristement et de, ici, de malheur. Dans toute ta vie. C'est comme ça, Allah Azza wa Jal, il le dit. Il y a, ici, l'alternance des jours. Il y a l'alternance des événements. وَتِلْكَ الْأَيَّمْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et Allah Azza wa Jal, à travers ces épreuves, à travers cette alternance, il veut voir les sincères et les véridiques aussi. Parce que si tu as toute ta vie du bonheur, ici, on ne pourra pas savoir, et toi-même tu ne pourras pas savoir, bien qu'Allah Azza wa Jal ici, il n'a pas besoin de ces épreuves pour savoir si tu es véridique et menteur. Mais comment veux-tu savoir si tu es toujours véridique ou menteur? Bien que je rappelle, comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim, que tu vives dans le bonheur ou dans le malheur, tu es éprouvé. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, on va vous éprouver, mais sharri wal khayri fitna. Par le mal et le bien à titre de tentation. Les ulama ils disent quoi? À travers ce verset coranique, que tu vives dans le bonheur ou que tu vives dans le malheur, tu es éprouvé. Parce qu'Allah il dit on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Donc quand tu vis, dans tous les cas, que tu vis le bonheur ou tu vis le malheur, pas une personne sur la surface de la terre ne pourra dire je ne suis pas éprouvé par Allah Azza wa Jal. Tout le monde est éprouvé par Allah Azza wa Jal. Que tu vives le bonheur ou le malheur, c'est une épreuve. Le bonheur c'est une épreuve, le malheur c'est une épreuve. Le bien-être c'est une épreuve, le mal-être c'est une épreuve. Toute chose qui t'arrive, c'est pour t'éprouver, ya Abdallah. Donc ici, si tu vis toute ta vie dans le bonheur, tu ne pourras pas voir comment tu vas réagir dans le malheur. Si tu vis toute ta vie dans le malheur, et tu ne connaîtras jamais le bonheur, ceci n'est pas possible. Et comment veux-tu que la personne soit reconnaissante auprès d'Allah Azza wa Jal, alors qu'elle ne connaît même pas une seule fois le bonheur dans sa vie? C'est impossible qu'Allah Azza wa Jal fasse que ça se passe comme ça. Donc Allah Azza wa Jal, il fait et il veut que quelquefois il y ait des moments de bonheur, des moments de malheur. Un jour tu vas être heureux, une naissance, un jour tu vas être malheureux, il y a la mort qui va toucher un membre de ta famille. Wahakada. Pareil pour les musulmans, un jour une défaite, un jour une victoire. Clair? Mais ça c'est pour des épreuves, c'est pour que la personne prenne des morales sur ces épreuves-là. C'est pour que la personne prenne des morales pour, sur ces épreuves-là, comme les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ufi. Et rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Après le combat, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Donc il y avait, première étape, la victoire. Deuxième étape, désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont perdu, yani, ils ont eu des morts et des pertes dans cette bataille. Donc les yani, associateurs, ils ont pris le dessus. Le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il a replié les rangs. Donc ici, il est reparti dans les montagnes avec les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et ceci, bien sûr, parmi les plus grandes morales de cette histoire, c'est quoi? Comme disent les savants, si les compagnons ont perdu une bataille, alors que c'est les meilleures créatures après les prophètes et les envoyés, et dans leur rang, il y avait le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, des gens pieux, des gens sincères, des gens véridiques, par la cause d'une désobéissance, comment voulez-vous que nous, on connaisse la victoire, et je dis même de façon particulière dans nos vies? C'est-à-dire le secours. Qu'on reçoive le secours d'Allah Azza wa Jal quand on est confronté à des épreuves, alors que jour et nuit on désobéit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors que eux, ils ont désobéi une fois au prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus de ça, c'est pas tout le monde qui a désobéi. C'est les archers. Bien plus que cela. C'est pas tous les archers qui ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. C'est une quarantaine. Une quarantaine sur combien en tout? 700. 40 sur 700. Qui ont désobéi, et pourtant, ils n'ont désobéi que quand ils pensaient que quoi? Que c'était la victoire. Ils ont vu de leurs yeux. Et ça nous rappelle encore que quand on entend, c'est pas la même impact ou ça n'a pas le même degré d'impact que quand on voit une chose, une situation. Quand on te dit qu'un tel est mort, ceci est connu, ton frère est mort, un ami est mort, ta mère est morte, ton père est décédé, tu vas l'entendre, ça va te faire mal. Mais quand tu vas voir ton père en face de toi mort, ou ton frère en face de toi mort, ça va te toucher encore plus. C'est vrai ou pas? Parce que quand tu vois, c'est pas comme quand t'entends. Ici, les compagnons, ils ont reçu, lors du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont entendu. Lakin, quand ils ont vu la situation, quand ils ont vu que ça y est, le combat était gagné, ils prenaient le butin, ça a eu un impact plus fort. Donc ils ont été dépassés par l'événement, et ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. On va pas dire que c'était justifiable. Mais, en quelque sorte, on peut les comprendre un peu. Alors que dire de nous qui désobéissons clairement au prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'on entende quoi? La chose qui fait le plus mal. Des gens qui montent sur le mimbar et qui parlent. Parce que quand on monte sur le mimbar, on dit Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Si on ne dit pas ça, bien sûr on est égaré. Ils montent sur le mimbar et wallahi l'adim, que ici, sans fausse modestie, et Allah m'en est témoin, je ne prétends et j'ai jamais prétendu être meilleur que n'importe quelle personne qui écoute un sermon du vendredi. Je ne dis pas n'importe quel imam, n'importe quelle personne qui écoute le sermon du vendredi. Je suis sûrement pire que la plupart. Lakin, la moindre des choses. La moindre des choses, c'est Akhil Karim. Si tu prends une responsabilité de monter sur le mimbar et tu dis Allah a dit, le prophète a dit, et tu parles de la sunna, parce qu'il y a des gens qui montent sur le mimbar et on sait ce qui relève de la sunna, c'est de commencer par khutbatul haja. Inna alhamdulillah, inna ahmaduhu wa nasta'inu, etc. Et on dit tous les jours, comme le prophète alayhi salam le disait, il disait quoi? فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. La personne, al-khatib, il monte sur le mimbar et il dit ces paroles-là, khutbatul haja, l'introduction au sermon, et il dit en plus, il montre l'importance de la sunna, la gravité de la bid'a, de l'innovation, et il dit toute innovation mène à l'égarement, tout égarement mène au feu. Et il commence, juste dans son apparence physique, il n'y a que des bid'a. Je ne suis pas là pour critiquer en citant les noms, mais on dit de façon générale, car ici, montrer la vérité, combattre al-munkar, une chose répréhensible, il faut la faire. De façon générale, comme le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le faisait de façon générale. Ma balu qawm, il disait, que dites-vous d'un peuple? Et il disait, mais il ne citait pas les noms. Il ne citait pas les noms. Quand bien sûr tu dois citer un nom pour mettre en garde, à partir du moment où un prêcheur égaré persiste dans son égarement et dans son innovation, après que tu l'aies exhorté, et il égare un grand nombre de personnes, et il n'y a pas d'autre solution que de citer son nom pour éviter qu'un grand nombre s'égare, cite son nom. D'accord. Mais autrement, tu dis de façon générale, et tu montres al-munkar de façon générale. Moi, je dis de façon générale. Comment un prêcheur, il peut prendre la responsabilité et monter sur le mimba et dire Allah a dit, le prophète alayhi salam a dit, alors que juste lui, dans son apparence physique, il contredit carrément la sunna. Il contredit carrément la sunna. Alors les habits qui tombent en dessous des chevilles, alors que ça c'est une mise en garde grave, et ça fait partie de le kaba'ir, comme disait savant, car le prophète Assoum, il a dit, est en enfer, yani le vêtement qui tombe en dessous des chevilles. Celui-là, c'est une référence lui. Lui c'est une référence. Qu'on le veuille ou non, il est pris pour exemple. Il n'a pas droit aux mêmes erreurs que, ou plutôt, pour bien m'exprimer de façon précise, les erreurs qu'il va faire, auront plus d'impact que les erreurs faites par une personne qui écoute le sermon, qui n'est pas imam et prêcheur. Lui, il monte à peine dans son apparence physique, il contredit la sunna. Et après, quand il parle, quelquefois, il attaque même la sunna. Et il cautionne les bid'a, les innovations. Et ensuite, on veut an-nasr, le secours. Ça, ce n'est même pas en désobéir à Allah et à son messager, on combat la sunna quelquefois. Et t'entends des prêcheurs qui disent, mais non, ceux qui disent que la barbe, c'est une sunna, c'est un égarement, ou ceux qui disent que l'anniversaire du prophète, c'est une innovation, ça, c'est des égarés. Subhanallah. Il attaque carrément la sunna du prophète, car le prophète, il a condamné les innovations. Et toi, tu dis qu'une innovation, ce n'est pas une innovation, carrément, tu la rends sunna quelquefois. Ça, c'est une catastrophe, ayyuhal ahbab. C'est simplement pour montrer le degré d'ignorance qui est répandu dans la communauté. Ce n'est pas monsieur tout le monde entre guillemets, mais c'est les références dans les mosquées. Et ça c'est une catastrophe. Et ça nous rappelle ayyuhal ahbab cette histoire que si on ne cesse de désobéir au prophète alayhi salatu wassalam, on ne cesse de courir à notre perte, même ceci concernant nos propres vies personnelles. Le prophète alayhi salatu wassalam, après le combat, donc il est reparti et il s'est replié dans les montagnes avec les compagnons. Abu Sufyan, il s'est réjoui. Abu Sufyan, il s'est réjoui. Et il s'est vanté de ses divinités, des divinités qu'ils adoraient. Et il a commencé à parler à haute voix pour, entre guillemets, narguer ici les compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam. Et il voulait savoir si le prophète était mort, si Abu Bakr était mort et si Omar radiyallahu ta'ala anhu wa anhum était mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire, est-ce que Mohammed est là? Alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salam, il a dit, ne répondez pas. Il a dit, est-ce que Abu Bakr est là? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, ne répondez pas. Et il a dit, est-ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est auprès de vous? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne répond pas. Alors Abu Sufyan, il a dit, ils sont tous morts alors. Et il se réjouissait. Omar ibn al-Khattab, on connaît Omar ibn al-Khattab comme étant une personne très courageuse et qui était fière de sa religion. Et Omar ibn al-Khattab, il a pas supporté quand il a dit ça, et il a dit, et Omar, il dit à ce moment-là, ô ennemi d'Allah, ya aduwallah, ô ennemi d'Allah, nous sommes tous vivants, et tu auras, bi'idnillahi azza wa jal, qu'est-ce que tu mérites de notre part? On est tous là, on est tous vivants, et tu auras ce que tu mérites. Il a pas pu supporter, alors le prophète avait dit, non. Parce que Omar radiallahu anhu arda était une personne très, très courageuse, et il était très fier, fier de sa religion. C'est pas la fierté d'orgueil, wal'iyadu billah. Il y a fierté et fierté. Le musulman, il est fier. Quand il marche, il est fier. Quand il sort de chez lui, il est fier. Il n'a pas honte de sa religion. Il ne vient pas à la mosquée en se cachant. Quand il parle avec une personne au travail, il n'a pas honte de dire « je vais à la mosquée ». Quand il sort et il met un qamis, il n'a pas honte parce qu'il met un qamis. Le musulman, il est fier. Ça, c'est la fierté du musulman. Fierté accompagnée de quoi? De modestie et de bon comportement. Ça, c'est la fierté qui est demandée en islam. Amma la fierté accompagnée d'orgueil, wal'iyadu billah. Tu passes et tu t'enfles d'orgueil. Et ici, tu laisses l'âme instigatrice au mal, wal'iyadu billah, prendre le dessus sur ton comportement. Et tu es fier devant les gens. Et tu t'enfles d'orgueil et tu marches. Yani avec, ici, orgueil. Et tu méprises les gens. Ça, c'est un égarement. Ya Abdallah, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jal, il va secourir, ou il secourt, avec une traduction approximative, il secourra la religion tant que les musulmans viendront au secours des faibles. Il secourra la religion par la cause des faibles. Dans le hadith, le prophète il dit, Allah Azza wa Jal secourra la religion par la cause des faibles. Ça veut dire quoi ça? Allah il va secourir cette religion par la cause des faibles. Alors que c'est les faibles qui vont secourir la religion, alors c'est ça que ça veut dire. C'est les faibles eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son charh de Riyad Salihin? Il parle de ce hadith-là, il dit quoi? Il dit ceci veut dire que quoi? Tant que le croyant vient en secours à son frère faible, par cette cause-là, Allah Azza wa Jal, il secourra cette religion et les musulmans. Par ton comportement que tu as avec les faibles. Ça ne veut pas dire que c'est les faibles eux-mêmes qui vont secourir la religion. Parce qu'ils sont faibles physiquement. Et Allah Azza wa Jal, il parle des faibles. Par exemple, quand il dit dans le Coran Al-Karim, Allah Azza wa Jal, il parle de quoi? Des gens qui n'auront pas fait, yani, ils vont dire quoi? On a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On a transgressé parce qu'on était faible. Allah il va leur dire quoi? Ou les anges leur diront quoi? Qalu fima kuntum. Allah va leur dire, où vous étiez? Qalu kunna mustad'afina fil ard. On était faible sur la terre. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Fa'ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour faire l'exil? Ce n'est pas une excuse de dire, mais on était faible sur la terre. Si tu étais faible et si tu pouvais pas pratiquer ta religion, c'est pas une excuse. T'avais qu'à partir ailleurs. Illa al-mustad'afin. Sauf les faibles. Min al-rijal. Wal-nisa. Wal-wildan. La yastati'una hilatan. Wala yahtadouna sabila. Fa'ulaika asallahu an ya'fua anhum wa kana allahu afuwan ghafura. Sauf les faibles. Allah il dit les faibles. Parmi qui? Parmi les femmes. Min al-nisa. Wal-rijal. Wal-wildan. Parmi les femmes, les hommes et les enfants qui étaient faibles. Ceux qui n'ont pas pu faire l'exil parce qu'ils étaient faibles. Donc ceux-là, ils sont excusés. Pourquoi ils n'ont pas pu faire l'exil? Parce qu'ils étaient faibles. Comment ils vont combattre les faibles? Ou comment ils vont secourir cette religion alors qu'ils sont faibles? Ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal va faire que cette religion soit secourue parce que ces faibles vont combattre, mais parce que, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, les gens de science, tant que toi tu viens en secours, ici et tu aides, tu nourris, tu soutiens, tu assistes le faible, al-da'if de la communauté, par cette cause-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire qu'Allah azza wa jal, Allah va faire que quoi? Cette communauté va être secourue. Donc c'est par la cause de qui? Des faibles. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse d'Allah azza wa jal, et Allah nous rappelle que quoi? Il n'a pas besoin de personnes orgueilleuses et de personnes qui s'enflent d'orgueil parce qu'ils ont de la force. Allah il te rappelle que même si tu as de la force, Allah il va te secourir si tu viens en secours au quoi? Au faible. Donc sans ce faible-là, Allah il ne te viendra pas en secours. Donc on a besoin de ces faibles-là dans la communauté. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse d'Allah azza wa jal. Donc Ici, Omar ibn al-Khattab était quelqu'un de fier, alhamdoulilah, était fier de sa religion. Et ici, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, après qu'il ait répondu ça à Abu Sufyan, il disait à Abu Sufyan, glorifier ou proclamer la grandeur de Hubel, cette statue-là. Il a dit maintenant, proclamer la grandeur de Hubel. Le prophète, alayhi salatu wasallam, a dit, répondez, ajibou. Je dis à Rasulallah, on répond quoi? Là, ça, il faut répondre ici. Yani, ce n'est pas simplement le fait de dire on est là, on va te tuer. Non. Là, il faut répondre. Là, c'est des questions de aqida. Là, il faut répondre avec tact, avec science. Le prophète est là. L'instructeur est là. Le professeur est là. Ya Rasulallah, on répond quoi? Ya Rasulallah, on répond quoi? Regardez l'adab, la politesse. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit, dites, Allah est plus grand et plus élevé que Hubel. Ils ont dit, Allah est plus grand et plus élevé que Hubel. Ensuite, Abu Sufyan, il dit, Nous avons notre divinité qui est Uzza. Et ils ont dit, le prophète a dit, Ajib, vous répondez. Ils ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on répond? Et le prophète alayhi salam a dit de répondre, dites-lui, Allah est notre protecteur et vous n'avez aucun protecteur. Ils ont dit, Allah est notre protecteur et vous n'avez aucun protecteur. Et rapporté par l'imam al-Nasa'i, et authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il y a eu, ce moment, qui a fait que les troupes ennemies se sont dispersées, sont parties. Quand le prophète alayhi salatu wasalam est resté dans la montagne, donc quand ça s'est apaisé, le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné, après que certains compagnons voulaient prendre les morts à Médine, ils voulaient prendre avec eux les morts pour les ramener à Médine, de Uhud à Médine, pour les enterrer près de leur famille. Et le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné à une personne de proclamer l'interdiction et de dire à haute voix l'interdiction de déplacer les morts. Il leur a dit, vous leur dites que tous les morts qui sont morts ici à Uhud, vous les enterrez à l'endroit où ils sont morts. Et jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wasalam les enterrait quelquefois par trois dans la même tombe. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il disait quoi? Il disait, il mettait en premier celui qui maîtrisait le mieux Al-Qur'an Al-Karim. Par respect envers les personnes qui avaient quoi? Qui maîtrisaient le mieux Al-Qur'an Al-Karim, qui avaient l'apprentissage du Coran, la maîtrise, la compréhension, l'application du Coran, ici par respect envers ces personnes-là. Quelquefois, il a enterré trois personnes dans la même tombe. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il nous a montré, et c'est là qu'on voit que même à travers la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, on apprend le comportement, on apprend ici les réactions qu'a eu le prophète alayhi salatu wasalam, on apprend des règles de jurisprudence, on apprend asbab al-nuzul, les causes et circonstances des descentes des versets coraniques, et comme je vous ai dit précédemment aussi, des règles juridiques concernant al-fiqh, la jurisprudence. Ici, le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné d'enterrer les morts à l'endroit où ils sont morts, de ne pas déplacer les morts. Et ceci, comme il dit Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, c'est interdit de déplacer les morts dans une autre ville quand ils sont morts. C'est interdit. Avec la preuve de ce hadith authentique. C'est-à-dire que tu meurs dans une ville, tu dois être enterré dans cette ville-là. On ne doit pas te déplacer. Ça, c'est la règle générale. Et la preuve est claire, et comme le dit Cheikh Al-Albani, c'est interdit. Sauf avec une nécessité. Avec une raison valable. Et de là, les savants ont divergé. C'est quoi la raison valable? Certains ont dit, est-ce que c'est une raison valable? Par exemple, nous, notre cas, par exemple, petit exemple, en France. Je ne parle pas d'une ville à une ville, ça c'est interdit. Mais de la France, par exemple, ici, dans notre ville où on est, par exemple, jusqu'à un pays musulman. Les savants ont divergé. Les savants, ils ont dit quoi? Il y en a la parole la plus juste des savants. Si on craint dû à l'endroit où on vit, qui est un endroit où la majorité sont des non-musulmans, que ici, les cimetières des musulmans, les carrés musulmans, les tombes, il y en a où sont enterrés les musulmans, soient profanés, d'accord? Ou alors soient déterrés et on manque de respect à ces morts, etc., etc. Donc si on craint par rapport à l'honneur de ces morts, car le musulman a son honneur, qu'il soit vivant ou mort, à ce moment-là, c'est une raison, on peut faire rapatrier le corps. Mais si on sait qu'il n'y a pas de mal, qu'il y a des carrés musulmans, et que c'est en sécurité, et que les musulmans sont enterrés, et de façon générale, il n'y a aucun problème, à ce moment-là, on est enterré directement dans l'endroit où on vit. Et moi, personnellement, si je meurs ici, moi je veux être enterré ici. Car pour moi, ce n'est pas une raison, le fait de dire qu'il y a quelques risques. Car c'est des risques, c'est des exceptions qui arrivent même dans des pays musulmans, qui quelquefois, des tombes sont profanées par exemple, ou alors des morts sont déterrés, etc. C'est très rare. Donc à ce moment-là, on applique la règle générale. Comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, tiré de ce hadith authentique, le prophète a interdit de déplacer les morts qui sont morts à Uhud, juste à Médine. Et il a dit, vous enterrez vos morts où ils sont morts. C'est une interdiction formelle du prophète alayhi salatu wassalam. Asri'u bil janais, ou bil janaz. Le prophète, il a ordonné dans un hadith authentique, accélérer al-janaz, c'est-à-dire les rites funéraires. C'est-à-dire que quand une personne meurt, on ne doit pas attendre 2 semaines, 3 semaines, faire je ne sais quoi avec le mort. Il a son honneur. Et le mort, quand il meurt, on essaye de le laver le plus rapidement possible. De lui mettre son linceul le plus rapidement possible. De l'enterrer le plus rapidement possible. D'accord? Et on n'attend pas 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc. Donc, plus tôt c'est fait et mieux c'est fait. Clair? Et donc, voilà la preuve qu'ont utilisé les savants pour dire qu'on doit être obligatoirement enterré dans l'endroit où on est mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je témoigne à propos de ces morts que toute personne qui meurt et qui est blessée dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il viendra avec sa blessure. Sa couleur sera la couleur du sang et son odeur aura l'odeur du musc. Dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ces propos. Et ça, c'était un résumé concernant la bataille de Uhud. Et on verra la suite, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala, a'lam wa ahkam. Wa sallillahumma wa sallim wa zidu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah.